Chapitre 7e. Celui qui s'égare trouve de nouveaux chemins. Nils Geyer. Perloque et Capitara arrivèrent fin Saïchi. Il faut qu'une question soit de prime importance pour qu'un elfe la pose. La plus grande des courtoisies de la part de ses amis sera qu'il n'ait pas à la poser. Je pris donc les devants, et rassemblant les souvenirs de mes lectures occitanes, je commençai à traduire à haute voix, mot à mot, à qui parviendra ici. J'expliquai à mes amis que cette langue était de l'occitan, en usage en Humania dans mon pays l'Occitanie, et au vu de la facture ancienne du coffre, il pouvait s'agir d'une relique très ancienne. Sourdement, une grande fatigue montait en moi, d'autant plus que la douleur de ma blessure était revenue plus forte qu'auparavant, depuis les dernières paroles de Tully. Je dus m'asseoir. Mon épuisement soudain était visiblement une préoccupation plus grande pour mes compagnons que le contenu du coffre. Svarin proposa de sortir de la réserve le plus rapidement possible. Afin de soigner ma blessure, j'insistai pour prendre le coffre, car de toute façon, personne d'autre que moi ne pouvait le soulever. Entre mes mains, la petite malle était légère et tiède, comme habitée par un pouvoir propre et encore impénétrable pour nous. J'eus pourtant bien du mal à la porter jusqu'à la sortie de la réserve. En passant les trois grilles, nous vîmes qu'elles se refermaient l'une après l'autre derrière nous. Puis nous passâmes les vantaux largement ouverts de la porte en bois. Dès que Dinmour, qui fermait la marche, fut passé, elle se referma sans aucun autre bruit que celui du bourdonnement délicat et des cliquetis plus sonores de la serrure à enchantement. La fatigue envahissante qui m'accablait faisait sourdre en moi la crainte d'un changement de dimension, mais Svarin me rassura. « Vous ne courez aucun danger, noble Elgara. » Il ajouta, malicieux, un peu mystérieusement, « Tu l'éveilles. » Le retour me sembla durer une éternité de temps. Il fut écourté, cependant, car au lieu de nous rendre dans la salle immense à la voûte étoilée, nous nous rendîmes dans un autre quartier de la montagne, plus proche, vers de confortables logis dont je découvris, éberlué, le luxe sobre, dépourvu d'ostentation et pourtant admirable. Je n'oublie personne pour soigner ma blessure. Je répétais, comme toujours, c'est entre Tully et moi. Cependant, Dinmour sortit de sa besace une fiole d'ambre bleue et la posa sur la fine table d'albâtre qui ornait le milieu de la pièce. Le sage Ulgar, qui connaît bien Tully, m'a confié cela pour vous. Et il ajouta avec un chaleureux sourire, apparemment il connaît aussi l'indocile Elgara. Ils gurent, dansant d'un pied sur l'autre, cachaient mal son inquiétude. Prostré sur l'immense lit, les cheveux en désordre, du sang perlant sous ma tunique à la hauteur de ma blessure, harassé de fatigue, je devais avoir piètre allure. J'essayais pourtant de faire bonne figure et je cherchais en vain une plaisanterie digne d'un nain des plaines bleues, mais j'avais du mal à rassembler mes esprits. Ce fut Ylfgur qui trouva la force d'éclater de son rire tonitruant et de dire en faisant claquer ses doigts devant son nez « Voilà bien une blessure digne de la légende de l'Elgara et qui se soignera demain avec du talco. » Puis, faisant volte-face à la façon soudaine des nains, il conclut « Je vais rester de garde devant la porte. » Svarin le reprit un peu vivement. « Aucun danger ne nous surprendra ici, mon ami. Le coffre est en lieu sûr, il n'y a rien à garder, mais un repos à prendre. » Ce à quoi le nain répondit, superbe, « Il y a toujours quelque chose à garder. » Et il s'en fut. Svarin le suivit de près après un signe de tête inquiet vers moi. Comme le regard de Dinmour se posait sur ma blessure, je dis « Je suis l'Elgara. Rien ni personne ne saurait m'arrêter désormais. » Et après un moment de silence, je continuai. C'est à présent l'affaire des humains autant que des elfes. Et de mauvaise foi, je rajoutai, d'ailleurs c'est Tully qui a commencé. Et je marmonnais peu convaincu, il doit bien avoir ses raisons. J'ai peu de souvenirs de cette deuxième soirée à Skadvarktar. Après une brève toilette, j'avalai péniblement un délicieux breuvage apporté par Svarin étrangement attentionné, et sans même appliquer l'onguent du sage Ulgar, je me couchai, m'affalait plutôt, sous le lit confortable et chaud. Des moments suivants, je n'ai que de vagues réminiscences, si ce n'est la douleur à l'épaule qui me réveillait irrégulièrement, et des bribes de visions cauchemardesques de feu et de dragons. Je vis le jour se lever dans un demi-sommeil, puis la fièvre arriva, et les visions recommencèrent avec une netteté étrange et une sensation de deuil et de colère dans un même temps. Je savais que ces visions étaient réelles, mais elles ne m'appartenaient pas. Pourquoi défilaient-elles sans arrêt? Mes amis vinrent tour à tour me visiter, paraît-il, mais je n'en vis aucun tant mon affaiblissement était grand. Dans la soirée, épuisée et fiévreuse, je distinguais vaguement une grande silhouette brillante qui, posant sa main sur mon front, calma ma douleur et fit cesser ses visions terribles. J'eus vaguement conscience d'avaler des potions qui me rafraîchissaient, puis je sombrai de nouveau dans un sommeil de plus en plus paisible. Au petit matin, je découvris la haute silhouette assise, ou plutôt assoupie sur un fauteuil, près du lit où j'étais recroquevillé. Je ne distinguais pas son visage légèrement ployé dans l'ombre, mais je reconnus les mains, longues et délicates, aux doigts fins et fuselés, dont rien ne laissait supposer la puissance et le pouvoir. La paume de sa main droite reposait sur le genou. Le dos de sa main, bien visible dans la clarté diffuse de la pièce, portait une fine cicatrice allant de la dernière phalange de l'index vers le milieu du pouce. La cicatrice était si fine que peu de personnes la connaissaient en Elphinie. L'autre main était posée sur le montant du fauteuil et portait un anneau reconnaissable entre tous. Rien ne me surprenait jamais tout à fait en Elphinie, même à cette époque. J'avais fait tellement de chemin vers l'acceptation de l'inconcevable que la surprise ne me touchait plus beaucoup. Pourtant, je le fus. À mon léger soupir, le roi Imrold leva la tête et ses yeux se posèrent sur moi. Je ne pus m'empêcher de sourire devant son air déconcerté. « Vous seriez parti sans me saluer, » dis-je, un semblant de ma gaieté coutumière retrouvée. « Vous n'arrêtez pas de faire des choses interdites en Elphinie, » vit Farfa. C'était la première fois que le grand roi m'appelait avec ce nom un vieil elfique au son mélodieux et si doux que m'avait offert sa sœur Yezla lors de notre aventure au pays des licornes, mon ami la fée. J'étais trop faible encore pour trouver une de ces répliques insupportables et effrontées que je réservais au roi Imrold. J'eus un sourire pâle et là. « Que sont ces choses interdites ? » murmurai-je pourtant. « Celles que ne font pas les elfes ou celles que font les dragons ?»« Celles qui vous mettent en grand péril, » répliqua le roi. « Oh, vous parlez de Tully ? Je parle de votre blessure qui ne guérit pas. » « Ah, donc vous parlez bien de Tully qui ne me laisse pas en repos et qui me fait faire des choses qu'il ne peut pas faire. » Je soupirai péniblement. « Il faut juste attendre, » ajoutai-je plus bas, avec une tendresse complaisante, « lui donner le temps de comprendre. » À ce moment-là, un bruit de pas résonna dans le couloir, et Yves-Gur, un sourire rayonnant, arriva. Il s'arrêta net en découvrant le roi Imrold et fit un pas en arrière. Il commençait un cérémonieux salut, mais le roi l'interrompit et lui donna un ordre silencieux que je ne compris pas. Se tournant vers moi, puis vers le roi, le nain, décontenancé, dit simplement « Vous allez mieux, noble Elgara ?»« Oui, beaucoup mieux. J'espère que tout le monde va bien ?» Puis je rajoutai « Avez-vous déjeuné ? M'avez-vous laissé du sulzda et du lait de châtaigne ?» Je fis mine de me lever, mais sitôt le pied par terre, je fus prise d'un tel malaise que je serais tombée si le roi ne m'avait retenu. Un terrible élancement dans tout le corps et les membres tremblants, je dus admettre qu'une petite fatigue me restait peut-être. Plus tard, après un court sommeil réparateur, une des servantes aperçue la veille lors du festin matinal m'apporta cérémonieusement un copieux petit déjeuner auquel, contrairement à mon habitude, je ne fis pas honneur. Il me fallut encore toute une journée afin de me sentir capable de faire quelques pas et de m'habiller d'une chaude tunique de duvet d'un bleu chatoyant. Mais je ne pus faire plus et dus rester assise dans un large fauteuil de bois précieux garnissant une alcôve du même albâtre que la table que j'avais eu le temps de remarquer au moment de mon arrivée. Svarine, altier et cérémonieux, vint me saluer dans la soirée alors que le roi Imrold était depuis le matin occupé à examiner le coffre et parler avec les sages de notre découverte. Puis Dinmour arriva et, échangeant un regard de connivence avec Svarine, se dit rassuré de mon état. Nous plaisantâmes un moment sur mon manque d'appétit et sur ma fatigue, puis je ne pus m'empêcher de repenser à la question qui, depuis que j'allais mieux, me brûlait les lèvres. Mais avant que j'ouvre la bouche, le sage Ulgar et le roi se firent annoncer. Je voulus me lever pour les saluer, mais l'un avec bonhomie, l'autre avec cette efficacité vigoureuse qu'il a tendance à appuyer d'un regard parcimonieux, m'intimèrent de rester assise. Il fut convenu que nous ne parlerions du sujet que lorsque je serais parfaitement rétabli. En attendant, Ulgar resterait pour me soigner. Lorsque je pus enfin m'aliter après moult soins, potions et filtres variés, Ulgar consentit à me laisser seul. Je m'endormis presque immédiatement. Dans un demi-sommeil, je vis la silhouette rassurante du roi et je ne pus m'empêcher de lui dire « Tuili m'a épargné encore une fois. » Le roi mit sa main sur mon front et j'ajoutai « Il va comprendre. Bientôt il va comprendre et me laisser l'aimer. » Je vis le roi plisser les yeux doucement et avant de m'endormir, je susurrai « J'aime le feu et la tempête. »